بسم الله الرحمن الرحيم. الحزبية يا إخوان أفل لها والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدعوة السلفية باليمن. A le plaisir de vous présenter ملخص الفقه باب الصيام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Le résumé de la jurisprudence chapitre du siyam par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Expliqué et commenté par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, hafizahullahu ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit en profit pour l'islam et les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a atharahum wa ktafa. Amma ba'da fi nasdaq al-hadithi kitabullah wa khayru al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من النعم الكثيرة المتكاثرة التي لا يمكن إحصاها إلى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار دكوا رمع سي الله عز وجل لسي نمبوي سي متي بيافي كي ندن. Ces bienfaits dont il est incapable à n'importe quel individu être humain de pouvoir dénombrer. Car la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous sont nombreux comme cela a été évoqué dans le verset précédemment cité. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis en ce jour dans son obéissance inshallah afin d'accroître nos connaissances de notre religion. Et il fait partie, barakallahu fikum, des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse combler à son serviteur qu'il instruit dans sa religion et qu'il lui facilite kadhalika la bonne compréhension de sa religion à la lumière du kitab, de la sunna, selon la compréhension des salaf de cette umma. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré les croyants ainsi que ceux à qui a été donnée la science. وعن معاوية ابن سفيان ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien, il lui instruit la compréhension de la religion. Les ulama rahmatullahi alayhim dirent Allah subhanahu wa ta'ala lui instruit la religion et lui facilite l'application de ce que il lui a instruit. Et dans le sens contraire de ce hadith précédemment cité, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala ne souhaite quelconque bien, il lui prive la compréhension de la religion. Wal'iyadhu billah subhanahu wa ta'ala. Et quelle plus grande perte que de se voir priver la compréhension de ce que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les ins et a envoyé pour cela les messagers et a fait descendre pour cela الكتب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme court à sa perte, excepté ceux qui ont cru. Les ulama disent, ce sont ceux qui se sont instruits afin de pouvoir croire. Car tu dois faire précéder la science au qawl wa l'amal. Et on sait que l'iman, c'est une œuvre. Donc la faire précéder par la science, tamam, c'est ce qui est voulu dans ce verset. Illa alladhina amanu, ceux qui se sont instruits afin de pouvoir croire et ont œuvré en bien et qui se sont enjoints mutuellement la vérité et l'endurance et la patience. Donc voilà pour nous, ayyuha al-ikhwatul karam, une fois de plus, walillahi alhamd wa ni'ma wal minna, une opportunité de plus, yani, qui nous est présentée afin d'atteindre la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, dans la vie d'ici-bas, dans l'au-delà, par la compréhension, inshallah, du chapitre de Siyam, de Mulakhas al-Fiqhi, de Sheikh al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala. Quant au livre qui a été choisi, afin que par, inshallah, la grâce d'Allah azawajal, il nous soit octroyé un bienfait et un bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est al-mulakhas al-fiqhi. Tamam. Il y en a un résumé des chapitres de la jurisprudence. Et plus particulièrement, on va choisir, tamam, on a, comme on a dit, le chapitre du Siyam. Ce chapitre-là, il a été choisi à l'occasion de la venue, inshallah, de ce grand mois dont tout désirant du paradis souhaite fermement pouvoir atteindre. Shahr Ramadan, le mois béni de Ramadan, le meilleur mois de l'année, comme a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans lequel s'y trouve dedans une nuit qui est meilleure que mille mois, dans lequel est descendue la meilleure et la plus noble des révélations qui est le Coran al-Karim. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني le mois de Ramadan dans lequel il a été descendu le Coran comme guide pour les gens et comme éclaircissement de la guidée et discernement. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Nous avons fait descendre dans la nuit du destin, yani le Coran. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que mille mois. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Et nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie qui est, comme l'ont dit les savants du tafsir, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Ce mois, inshallah, qui est à venir, ayo l'ikhwa, n'est pas un mois comme les autres, comme certains de ces versets-là ont pu nous le faire montrer ou nous le montrer. C'est un mois bordé d'une baraka de Sha'ban, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de jeûner énormément, comme a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha, ma kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasoum min ash-shahr akthar mimma كان يصوم من شعبان. Le prophète sallam n'avait pas pour habitude de jeûner plus qu'il le faisait dans le mois de Sha'ban. Et kadhalika il est bordé du mois qui le suit, qui est le mois de Shawwal, auquel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les musulmans à le faire suivre, yani Ramadan, de 6 jours de Shawwal. Man samma Ramadan thumma atba'a sittatan min Shawwal, n'am fa kana samma ad-dahr kullah. C'est comme s'il avait, celui qui jeûne Ramadan et ensuite l'a fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Donc ce mois béni, mon Ramadan, et béni kazalika par les mois qui le bordent, par les mois qui le bordent, comme c'est le cas de Shawwal et de Sha'ban. Ceci nous prouve yani la hauteur et le rang de ce mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce mois, il y a une porte qui est ouverte à la dévotion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu trouves dans ce mois-là un accès, t'as même à la dévotion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas observé, comme c'est le cas dans les autres mois. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, nous dit cela car il est accompli dans ce mois béni un pilier de l'islam qui est as-siyam, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bunya al-islam ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam as-salah wa ita'u az-zakah wa sawm ramadan wa na'am hajj al-bayt. Il nous dit un Nabi muttafaqan alayhi hadith rapporté en, ou plutôt selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous dit dans lequel le prophète sallam a dit l'islam a été bâti sur 5 piliers, les deux attestations de la foi, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, accomplir la prière et s'acquitter de la zakat, de jeûner pendant Ramadan et d'accomplir le hajj. En ce mois, il nous dit Cheikh al-Fawzan, pourquoi ce mois là n'est pas comme les autres et pourquoi la facilité est beaucoup plus observée dans ce mois-là, il dit car il a été descendu dans ce mois, c'est même le Coran, comme cela a été évoqué dans les versets précédents. Et qu'à l'écrit, il figure une nuit qui est meilleure que mille mois. Cheikh al-Fawzan nous dit la rétribution des œuvres dans ce mois y est décuplée, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu amali ibn Adam yudha'af wal hasanatu bi 'ashr amsalha ila 700 dha'f, qala Allah subhanahu wa ta'ala illa as-sawm. Dans ce hadith al-Qudsi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous fait part que les œuvres, toutes les œuvres de Ibn Adam sont tous décuplées. Et la bonne action sera récompensée 10 fois plus. Et jusqu'à peut-être même 700 fois plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, excepté quoi? Le siyam. Excepté le siyam. Car le siyam, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue sans limite. Pourquoi? Car cela, comme nous l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, car il y a dans le siyam une patience. Et la patience est rétribuée sans limite. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, la rétribution des patients sera yani sans limite. Car il y a dans le siyam, barakallahu fikum, ce que comporte la patience. La patience est de trois catégories. Sabr ala ta'atillah, wa sabr an ma'siyatillah, wa sabr ala aqdarillah subhanahu wa ta'ala. La patience est de trois catégories. La patience sur les bonnes œuvres, ou plutôt à accomplir les bonnes œuvres. Une patience qui va te pousser à t'écarter de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la patience sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété sur toi comme bon et comme mauvais. Et le siyam, c'est qu'à l'écart, tu trouves ces trois choses-là. Il y a dans le siyam une patience dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. Il y a dans le siyam une patience à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a qu'à l'écart dans le siyam, une patience pour les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrétées tout au cours, tout en au long du siyam. Car la personne qui jeûne, t'es même patiente sur la faim, patiente sur la soif, patiente sur la fatigue qu'il peut ressentir au niveau corporel. Et toutes ces choses-là font partie de la patience sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Donc il y a dans le siyam ce que comporte la patience. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa s-sawm » lorsqu'il dit « Toutes les œuvres de Bani Adam sont récompensées, sont plutôt décuplées, excepté le siyam, dont la rétribution est sans limite, car le siyam est une patience, et Allah subhanahu wa ta'ala rétribue le patient sans limite, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, nous dit, en ce mois-là, ce mois de Ramadan, et cela dans aucun autre mois, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans ce mois-là de pouvoir accomplir salat al-tarawih. Salat al-tarawih, qui est qiyam al-layl après al-isha, même pendant le mois de Ramadan. Chose qui n'est pas possible de faire et qui n'est pas légiférée dans les autres mois, c'est-à-dire de prier en commun. Ceci nous prouve la vertu du mois de Ramadan aux autres mois. En ce mois-là, ou plutôt c'est quand ce mois-là, et dans aucun autre mois que les portes du paradis s'ouvrent, afin d'accueillir les bonnes œuvres et les serviteurs, et que les portes de l'enfer se ferment, afin de pouvoir entraver les shayatin, et cela afin que la dévotion de ceux qui sont dévoués s'accroître, et que le mal des pécheurs, t'as même diminué. Ayyuhal ikhwatul karam, voilà une opportunité qui se présente à nous, incha'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ou nous place parmi t'as même les personnes qui pourront jeûner en ce mois-là. Il y a là, barakallahu fikoum, une opportunité qui se présentera afin qu'on puisse atteindre la piété. Cette opportunité ne se présente qu'une fois dans l'année. Donc ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fera grâce et la faveur de pouvoir atteindre ce mois-là, ils se doivent d'en profiter au maximum. Ils se doivent de profiter de cette opportunité, de cette occasion. Car elle ne se présente qu'une fois dans l'année, donc il ne faut pas, incha'Allah, la laisser et en y passer entre nos doigts. Et que l'insouciance et que les délices de la vie d'ici-bas, qu'elles ne prennent pas le dessus sur nous en ce mois à venir, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. قد أفقال الله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Certes, auront réussi les personnes qui auront purifié leur âme et auront connu l'échec les personnes qui auront sali leurs âmes. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قال لجبريل قل آمين فقلت آمين. الحديث il est authentifié par Cheikh Al-Albani. Nabi sallam nous fait part, nous informe de ce hadith et nous pousse à être dévoués, inshallah, dans ce mois, dans ce mois de Ramadan, inshallah, à venir, à faire partie des pieux et des personnes dévouées dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que ce mois béni et la faveur de ce mois qui se trouve en ce mois ne nous file pas entre les doigts, nous dit ba'uda man adraka Ramadan, distant est celui qui atteindra Ramadan sans que ses péchés lui soient pardonnés. Jibril lui dit, dis Amin, sur cette dua-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Donc voilà une dua auquel Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait aux personnes qui atteindront Ramadan dans l'insouciance, sans se préoccuper des grandes vertus, des grands bienfaits qui est compris dans ce mois-là. Voilà là donc une opportunité afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et distingue celui à qui ses péchés ne seront pas pardonnés. Car il est figure dans ce mois-là كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وفي الرواية فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Le Nabi nous informe que dans ce mois béni dans lequel il ne convient à aucun des personnes qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier, il y a ni de faire part d'insouciance en ce mois-là, car il dit, dans ce mois-là, il y a une nuit qui est meilleure que mille mois, qui est Laylatul Qadr. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que mille mois. Celui qui se la voit privé, il y a les bienfaits qu'il y a dans ce mois-là, car l'adoration est semblable à l'adoration de mille mois. Celui qui se voit privé le bien de ce mois-là, est vraiment pas, il fait vraiment partie, il y a des personnes qui n'ont aucun bien. Des personnes à qui aucun bien n'a été fait. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une version, faqad hurima al-khayr kullah. Il lui a été, il y a celui qui se verra privé des biens de ce mois de cette nuit-là, il le sera privé, il y en a le bien tout entier. Et il nous dit, les personnes qui seront privées de ce bien-là, il y en a ce sont vraiment il y en a les personnes à qui il n'aura aucun bien, les personnes qui n'ont vraiment aucun bien. Donc ceci nous pousse à y aller croire de ne pas faire preuve d'insouciance. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le bienfait de pouvoir atteindre ce mois béni, Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, et de faire comme si jamais ce mois-là, il était un mois comme les autres. T'as même souci, ne nous incombe pas de faire. Car effectivement, il n'est pas un mois comme les autres. Il n'est pas un mois comme les autres. Comme on a pu le voir à travers les nombreux hadiths et les ayahs précédemment cités. En ce mois-là, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, les vertus du groupe et de l'union, ils sont beaucoup plus observés que dans d'autres mois. Et les bienfaits sont beaucoup plus ressentis dans ce mois-là que dans les autres. Il dit les gens, yani la population musulmane, elle ressent vraiment yani qu'elle est une communauté. Car il dit, il débute le jeûne en même temps. Il le coupe en même temps. Le riche, yani on reconnaît le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par cela il le vient en aide aux nécessiteux. Yani, tu ressens par cela une entraide, une union. Une entraide et une union qui nous fait ressentir yani, le bien de la communauté, le bien du groupe et le bien de l'union. Car le riche comme le pauvre sont logés sous la même enseigne au cours du jeûne pendant Ramadan, car les deux ressentent la faim, la même soif et la même faim. Et il n'y a pas de personne qui est favorisée à l'autre, excepté par la taqwa. Le siyam est une intercession. Parmi les bienfaits du siyam, c'est qu'il est une intercession pour le serviteur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, dans l'au-delà, une intercession afin que ses œuvres soient acceptées. Voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait que ses œuvres soient présentées en jour de jeûne. Aimait que ses œuvres soient présentées en jour de jeûne. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, « Tu'radu l'a'mal kulla thnain wa khamis, fa'uhibbu an yu'rad amani wa ana sa'im » rapporté par Nifis Sunan et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les œuvres sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala tous les lundis et jeudis. Tous les lundis et jeudis. Et je souhaite et j'aime que mes œuvres soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant en état de jeûne. Car c'est une cause parmi les causes qui feront gagner, ou plutôt le jeûne intercédera gagner en ces jours-là, lundi et jeudi, afin que tes œuvres soient acceptées auprès d'Allah azawajal. Voilà pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait que ses œuvres soient présentées en tant que jeûne, car il intercède afin que tes œuvres soient acceptées. Et les cas dans les cas, une intercession yam al-qiyam, le jour où ni bien et ni progéniture, tamam, ne seront d'utilité yam al-qiyam. Yom la yanfa'u malun wa la banun, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, as-siyam wa al-qur'an yashfa'an yom al-qiyam. Yaqul as-siyam, ay rab, mana'tuhu at-ta'am wa al-sharab wa al-shahwa, fashaffi'ani fih, wa yaqul al-qur'an, mana'tuhu. النوم بالليل فشفعني فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. Et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le siyam et le Coran viendront ou intercéderont pour le abd yam al-qiyamah. Le siyam dira, oh Rab, je l'ai empêché de pouvoir se nourrir, de pouvoir s'abreuver et de pouvoir s'émerveiller et aller dans le shahwa. Donc, fait que j'intercède pour cette personne-là, pour ce serviteur. Et le Coran dira la même chose. Je l'ai empêché de dormir, il est voulu par là, il est dans la nuit. Celui qui lit la nuit, il ne dort pas. Voilà pourquoi le Coran dit mana'tuhu an-nawm bil-layl, car il fait qiyam al-layl, wa shafi'ni fihi. Et il dira fait que je puisse intercéder pour ces personnes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera le pouvoir de pouvoir intercéder pour ce abd. As-siyam est une cause pour accéder au paradis. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. Authentifié par Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى. Dans ce hadith authentique, le Nabi صلى الله عليه وسلم nous dit celui qui jeûne un jour pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et voit sa vie se terminer sur cette belle œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt il lui sera accordé le paradis. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة في السنن قال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Authentifié par Cheikh Al-Muqbil رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم dit craignez Allah et priez les 5 prières obligatoires. Jeûnez le jeûne de Ramadan, acquittez-vous de la zakah et obéissez à vos gouverneurs. Vous rentrerez dans le paradis de votre Seigneur. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم nous dit dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari رحمة الله عليه, il nous dit celui qui aura cru en Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et accomplit la prière et jeûne Ramadan, il reviendra de tout droit à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le fasse entrer au paradis, qu'il ait fait la hijra fi sabilillah dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il soit resté dans le pays où il est né. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la hijra. Mais ceci n'est pas un hadith dans lequel les gens de passion peuvent prendre et dire par cela que la hijra n'est pas obligatoire. Non. Ceci nous prouve bien le bienfait et le mérite du siyam et le mérite de la croyance, ou plutôt de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et le fait d'accomplir la prière et de jeûner Ramadan. Même ceci nous prouve que même si jamais la personne n'a pas fait la hijra fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala par sa grande faveur le fera rentrer au paradis, même si cela passe peut-être par une entrée en enfer afin de l'expier de ses péchés, Donc il n'y a aucun cas de ce hadith là un dalil, une preuve pour les gens qui suivent leur passion pour dire que la hijra elle n'est pas obligatoire. Et abadan, tamam. Ceci nous prouve le grand et le bienfait de as-siyam et kadhalika de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala son prophète et d'accomplir la prière et de jeûner pendant Ramadan. Parmi les bienfaits du siyam, tamam, c'est qu'il est une expiation des péchés. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima baynahum idha jutunibat al-kabaya. Fi sahihain, le hadith il est dans les recueils de Bukhari et Muslim, dans lequel il est dit de Ramadan à Ramadan, il y a là une expiation des péchés pour toute personne qui se sera écartée des grands péchés. Car les grands péchés est une chose qui est, ou plutôt une cause, qui privera la personne de pouvoir se voir expier des petits péchés. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum. Et si vous écartez des grands péchés, on vous pardonnera. Naam, ce qui est voulu par là, c'est les petits péchés. Et certains ulama disent, ou bien peut-être, ça allégera les grands péchés. Ça allégera les grands péchés si jamais la personne n'a pas de petits péchés. Donc voilà un bienfait dans le siyam. C'est qu'il est une expiation des péchés. Et tout serviteur a besoin que ses péchés soient pardonnés, et voilà, dans le Ramadan jusqu'à l'autre Ramadan, t'as même une main tendue pour toute personne qui souhaite que ses péchés soient barakallahu fikum expiés. Et dans Siyam, kadhalika, il y a une faveur faite au serviteur qui est l'exaucement des invocations. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. et authentifié ce hadith-là par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans lequel on dit « Il y a pour tout muslim, dans chaque jour et nuit, yani dans Ramadan, une invocation qui sera exaucée. » Une invocation qui sera exaucée. Donc voilà les bienfaits du mois qui est à venir, inshallah, et on demande à Allah Azzawajal qui nous fasse atteindre Ramadan afin que nos da'wah, afin que nos invocations, inshallah, soient acceptées et exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et siyam kadhalika, parmi ses bienfaits, c'est qu'il est une cause pour nous afin d'atteindre les hauts rangs des martyrs et des véridiques. Le haut rang des martyrs et des véridiques. Ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa faveur. Kama qala jalla wa ala, wa man yuti' Allah wa ar-rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et ceux qui auront obéi Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ils seront avec ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux et les pieux. Et quelle bonne compagnie sont ceux-là. وحسن أولئك رفيقا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصديقين والشهداء. Rapporté par l'imam Al-Albani رحمة الله عليه. Dans ce hadith authentique, il nous informe, ou Nabi صلى الله عليه وسلم nous informe que une personne lui est venue. Il lui a dit: vois-tu si jamais j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité en toute vérité méritant d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es son prophète, et que je prie, ou plutôt que j'accomplis les 5 prières obligatoires, et que j'acquitte la zakat, et que je prie, ou plutôt que je jeûne le ramadan, et je prie pendant le ramadan, yani, de quelle catégorie de gens je ferai partie? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, tu feras partie des gens véridiques et des shuhada, c'est-à-dire des martyrs. Donc voilà, une cause parmi les causes, comme je l'ai évoqué, As-Siyam est une cause nous permettant d'atteindre le rang des véridiques et des martyrs. As-Siyam, kadhalika, barakallahu fikum, c'est la meilleure des causes pour atteindre le recommandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, la wasiya d'Allah azza wa jal, la lumière par laquelle le abd il discernera et obéira Allah subhanahu wa ta'ala et s'écartera de sa désobéissance. Il s'écartera de sa désobéissance. Qui est autre que la piété, la lumière par laquelle le abd, comme qala, yani as-salaf, yani la lumière par laquelle il obéira à Allah subhanahu wa ta'ala et s'écartera de sa désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a légiféré le siyam qu'afin qu'on devienne pieux, qu'afin qu'on atteigne la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le jeûne ou siyam vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés vous ayant précédé afin que vous atteigniez la piété. لعلكم تتقون, afin que vous atteigniez la piété. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit: le serviteur ne pourra prendre une aide pour obtenir la piété de telle manière qu'il est légiféré ou plutôt qu'il est facilité dans le siyam. وقال الإمام السعدي رحمه الله تعالى الصيام تمام الجن c'est la plus illustre des causes te menant à la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà une cause nous permettant d'atteindre le recommandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le wasiyya. كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. J'ai certes enjoint aux communautés vous ayant précédé ainsi qu'à vous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la meilleure cause pour atteindre ce haut degré? As-siyam kama qala al-imaman as-sa'di wa al-imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala alayhim wa al-ayah dalalatun wadihatun ala thalika. Yani le verset précédemment cité est un dalil qui est clair sur ce sujet-là, que le siyam est une cause pour atteindre la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaquna, afin que vous atteigniez la piété. L'imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala nous dit: connaissez-vous une œuvre vous permettant de connaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et le vertu du rizq qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne jour et nuit en dehors de la cause qui est le siyam? Car celui qui fait siyam, il ressent la faim, et il ressent kazal et qu'à la soif, et il ressent yani ce que le pauvre ressent yani dans les autres jours, dans sa vie quotidienne, dans sa vie quotidienne. Donc le jeûneur, lorsqu'il coupe le jeûne, voilà pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: dans le jeûne il y a deux joies, ou plutôt farhatan, lorsqu'il coupe son jeûne et lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lui donnera le rétribut de cette autre adoration qui est le siyam. Car lorsqu'il coupe le jeûne, il ressent les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et il reconnaît vraiment, lorsqu'il est privé de ses bienfaits, qu'elles ont une grande vertu et un haut rang auprès de lui. Car il est content lorsqu'il coupe le siyam, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il y a là une chose qui te permet de reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et tu ne peux le reconnaître que lorsque tu es privé de cela. Amma la personne à qui lui est donné ses bienfaits la jour et nuit, il ne va pas la ressentir comme le ressent le jeûneur. Voilà pourquoi, comme l'a dit l'imam Sa'di, il n'y a pas une cause comme tu peux la retrouver dans le siyam qui te permet de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vraiment tu es fi afia, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné de beaucoup de choses. Parmi les bienfaits du siyam, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah azza wa jal, il verra son visage écarté de l'enfer. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, muttafaqun alayhi ou fi sahihain, tamam fi sahih, قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار بسبعين خريفة بسبعين خريفة. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala verra son visage écarté de 70 années. Donc que dire de celui qui aura jeûné des mois et des mois? Que dire de celui qui aura fait suivre de Ramadan Shawwal? Que dire de celui qui aura jeûné pendant Sha'ban? Que dire de celui qui aura jeûné le lundi et jeudi? Que dire de celui qui aura jeûné peut-être Siyam Daoud et les trois jours du mois? Il verra vraiment, c'est une cause par là, de se faire écarter son visage de l'enfer. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala faman zuhziha 'anil nar wa adkhala al-jannata faqad faz. Celui qui se verra écarté de l'enfer et rentrera au paradis, tamam, aura certes réussi. Naam, celui qui sera écarté de l'enfer, il ne verra que son visage s'approcher du jannah. Parmi les bienfaits du siyam kadhalika, c'est que le siyam est une adoration qui n'a pas de semblable. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam li Abi Umama رضي الله تعالى عنه عليك بالصيام فإنه لا مثل له وفي رواية فإنه لا عدل له. Le prophète sallam a dit une fois Abi Umama, lorsque barakallahu fikum Abu Umama est venu voir le prophète sallam lors d'une expédition, il a dit ya rasoul Allah, il a dit ô messager d'Allah, ud'u li bi shahada, invoque pour moi afin que je fasse partie des martyrs. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمه وغنمه. Il a dit, Allah, il a demandé, il a fait une dua, le Nabi sallam, il a dit, qu'Allah t'épargne et qu'il te fasse profiter du butin. Dans une deuxième expédition, كذلك, Abu Umama est revenu au prophète sallam, il lui a dit, Ya Rasulullah, ud'uni bi shahada. Il lui a dit, invoque pour moi la shahada. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمه وغنمه. Épargne-le et fais-lui profiter du butin. Et la troisième fois, Kazal, et qu'il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il lui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse être parmi les martyrs. Faqala lahu nabi sallallahu alayka bis siyam. Après qu'il a dit, Allahumma sallimhu wa ghannimhu. Après qu'il a dit, qu'Allah t'épargne et que te fasse profiter du butin, il a dit, alayka bis siyam fa innahu la adla lah. Il a dit, fais beaucoup de jeûne ou endure ta personne à jeûner, car le jeûne n'a pas de semblable. Donc voilà la faveur et le haut rang des jours auxquels, inshallah, on sera amené à vivre si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Il y a ni des jours dont l'adoration n'a pas de semblable. Pas de semblable au siyam, ou plutôt au jihad ou à la salah. Inna siyam la idla lah. Le prophète sallam, il a dit, il n'a pas de na'am barakallahu fikum de semblable. Wa qala ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma inna min aslahi al-a'mal as-sadaqatu was-siyam. Il fait partie des meilleures œuvres et des plus des œuvres les plus vertueuses, le fait de donner le monde et de jeûner fi sabilillah, na'am, de jeûner. Parmi les mérites du siyam barakallahu fikum, comme nous l'a dit an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt comme il le ressentit au travers de ce hadith qudsi, c'est que le jeûne est une adoration de sincérité. Une adoration dont tu ne trouveras pas une sincérité que tu trouveras dans les autres actes d'adoration. Car celui qui jeûne et celui qui ne jeûne pas, d'apparence ils sont de même. Car le jeûne n'est pas une adoration apparente. C'est voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala seul est lui seul approprié. En dehors, il y en a des nombreuses adorations. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى الصوم لي. Allah subhanahu wa ta'ala s'est proprement attribué le siyam. Pourquoi? Parce que le siyam est une adoration de sincérité. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala se l'est attribué. Une adoration dans laquelle n'est pas ressentie d'ostentation et Kazalika, le fait de rechercher leur renommée auprès des gens, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué. وَكَفَى بِشَيْءٍ شَرَفًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَمَلْ قَدْ يَنِيَشْ نَعَمْ أَضَافَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ. Il suffit pour honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue une adoration en dehors de nombreuses adorations. وَكَذَلِكَ parmi les mérites du siyam, بَرَكَ فِيكُمْ, c'est qu'il est, comme l'a dit l'imam As-Sa'di, c'est qu'il a, bien, il a des bienfaits, yani, au niveau de la médecine. Il nous dit, celui qui jeûne beaucoup, yani, ou dans le jeûne, il y a une chose par laquelle, ou plutôt une cause, par laquelle le serviteur, yani, préserve sa santé. Car il dit, il élimine la toxine et beaucoup d'autres, yani, maladies. Car dans les cas, le surplus que tu peux trouver dans les repas. Donc, dans le siyam, en dehors de la grande rétribution qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée, même pour le jeûneur, tu trouves aussi Kazal et un bienfait au niveau de la médecine. Au niveau de la médecine, Al-Sheikh Al-Fawzan, il est parmi les bienfaits de Siyam, c'est qu'il n'est pas exposé à la loi du talion, Al-Qisas. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué. Une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué, c'est une œuvre dans laquelle il y est constaté quoi ? Yanniyesh, Al-Ihsan, wa Kazalika, Baraklofikum, la sincérité. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, jamais nous ferons perdre la rétribution de la personne qui aura bien œuvré. Car il y a dans Siyam, car la personne a jeûne, ou plutôt accompli cette œuvre, comme si Allah subhanahu wa ta'ala était devant lui. Comme a dit le Sallallahu. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Voilà pourquoi il ne s'empresse pas de manger en cachette ou bien de boire en cachette, parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Donc yani, par ce pas là il se voit empiéter le chemin de l'ihsan, le chemin de la bienfaisance dans l'adoration, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il te voyait, et si jamais, ou plutôt d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois, et si tu le vois pas, si jamais tu n'arrives pas à atteindre ce degré là, ce stade là, n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et le serviteur, il en fait de même. C'est-à-dire, lorsqu'il jeûne, il n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Voilà pourquoi il ne coupe pas son jeûne en cachette. Il boit en cachette et fait croire aux gens peut-être qu'il est en train de jeûner. Non, il garde son jeûne car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Voilà pourquoi il ne coupe pas son jeûne. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue cette œuvre auprès de lui, car c'est une œuvre qui est sincère et voulue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne l'expose pas à la loi du talion, car lui-même se l'est attribué. Cheikh Al-Fawzan nous dit, rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'expose pas le jeûne à la loi du talion. Car viendra yawm al-qiyamah al-qisas, viendra yawm al-qiyamah des serviteurs qui auront des œuvres telles que le jibal, comme on dit dans le hadith, atadurun man muflis, savez-vous qui est le ruiné? Faqalu al-muflisu fina, c'est celui qui n'a pas d'argent. C'est celui qui est pauvre, celui qui est ruiné. Il a beaucoup d'œuvres pieuses. Et il viendra. يعني مظالم ذلك المظلوم فطرح على ذلك الظالم يعني بالمعنى. Dans le hadith authentifié par, ou plutôt rapporté par l'imam muslim, Anabi Sussan nous fait part qui est le mouflis. Il nous dit, le mouflis, c'est celui qui viendra yawm al-qiyama avec des œuvres telles que Jabal Uhud, avec des hasanat, et il aura fait injustice à une telle personne, opprimé un tel, frappé un autre, déverser le sang d'un autre, manger l'argent injustement d'un autre. Il a khirihi, et il lui dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc on prendra les hasanat de cet injuste pour les donner aux personnes qui ont été opprimées. Et si jamais ces hasanat de l'injuste ils sont finis, il sera pris des mauvaises actions de ceux à qui ils ont subi une injustice afin de les donner à la personne à qui il a fait une injustice. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhallahu ta'ala, il dit, hormis le siyam. Le siyam, c'est une œuvre dont ne pourra pas profiter l'opprimé, même si jamais il aura subi une injustice de l'opprimeur. Abedan, il pourra profiter de cette œuvre-là qui est le siyam, car c'est une œuvre qui est vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Yani on ne fera pas perdre abedan l'œuvre à celui qui aura bien œuvrer, comme c'est le cas de As-Siyam. Cheikh Al-Fawzan dit, As-Siyam, il n'est pas exposé à la loi du talion. Ceci nous prouve la grande faveur qu'il y a dans le fait de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. Naam, Inch'Allah, ça c'était juste pour faire un petit aperçu, et les bienfaits du Siyam et ses faveurs et ses vertus sont nombreuses. Mais c'était juste, Yanni, afin de faire un petit résumé, ou plutôt un petit aperçu de ce qu'on va, Inch'Allah, expliquer à travers le jeûne obligatoire du Siyam Ramadan, à venir, Inch'Allah, pour le vendredi prochain. Et comme on a dit, les bienfaits du Siyam sont nombreux, tamam, pour ceux qui veulent s'élargir sur cela. Les livres sont nombreux à ce sujet-là. Tamam, et sur ce, on va se contenter de cela. Et donc, le prochain cours, pour Moulakhas al-Fiqhi, ce sera, Inch'Allah, mercredi ou plutôt vendredi prochain, comme on a pu le mettre à 3h30, hors de France. Donc désolé, Inch'Allah, pour avoir retardé le cours. Et Inch'Allah, vendredi prochain, comme c'est énoncé dans le programme, tamam, donc mercredi à 12h30, et le vendredi à 3h30, hors de France. Et possible qu'on rajoutera un cours, tamam, afin qu'on puisse terminer Moulakhas al-Fiqhi, ou plutôt le chapitre du Siyam de Moulakhas al-Fiqhi, avant de rentrer dans Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Donc si jamais on peut se contenter à faire deux cours par semaine, on le fera. Et s'il faut rajouter un cours, afin qu'on puisse terminer le cours de Moulakhas al-Fiqhi, chapitre de Siyam, avant qu'on rentre dans Ramadan, Inch'Allah, on le fera. Et on choisira pour cela le mardi, et on mettra ça plutôt dans les coups de 3h, ou bien à la même heure que là, 3h30 ou bien 4h. Donc sur ce, on se quitte, et on se contente de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, أن يجعل هذا أو هذه المذاكرة نافعة لنا ولكم ولسائر المسلمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تفضلوا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية دماج أفاق وانكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين